tiens-moi, mais comme un, et m'emparer pour aller là où les pouvons les d'anciens à chercher soleil. Moi qui fais mille et mille folies pour faire plaisir, et moi qui gourmet pour nous toujours bien. S'il faut moi crier divinité, moi qui fais l'amour d'entier moi, car il est comme moi, et moi qui prédier pour ça toujours, toujours dire. S'arriver, oh la moi qui allait, ouais. Et le temps qu'a passé, fait que fait moi oublier, oh. Moi j'en ai de chez moi, moi j'en veux encore. Jamais force pour moi, goût mal en nuit qu'on joue.